les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Il est toujours intéressant de découvrir comment fut accueillie l'œuvre, comment furent accueillies les premières œuvres d'un écrivain par la suite devenu célèbre. Pour évoquer l'œuvre de Patrick Modiano, au tout début de l'année 1971, on ne pouvait se référer qu'à deux romans, La place de l'étoile et La ronde de nuit. Et déjà, bien sûr, le décor, l'époque, les obsessions, la narration particulière, des précisions curieuses ou des imprécisions nécessaires. En conclusion de l'émission qui suit, son producteur Alain Bosquet, lui-même écrivain, disait « Je crois qu'il est de la liberté de tout jeune écrivain, de talent comme lui, de dépasser ce qui n'est pas de son âge. » Première diffusion sur France Culture, le 1er janvier 1971. Jeunes écrivains, aujourd'hui Patrick Modiano, présentation d'Alain Bosquet. En 1968, paraissait aux éditions Gallimard le roman d'un débutant, Patrick Modiano, et ce roman s'appelait « La place de l'étoile ». Cette place de l'étoile, qui depuis quelque temps s'appelle aussi « La place de Gaulle », eh bien non, ce n'est pas cette place-là. Et tout le livre est un peu dans l'histoire que l'on raconte en exergue et qui est, paraît-il, une histoire juive bien connue. La voici. Dans le plus noir de l'occupation, en 1942, un officier allemand s'approche d'un jeune homme et lui demande, avec l'accent qu'il faut, « Monsieur, s'il vous plaît, où se trouve la place de l'étoile ?» Et le jeune homme montre simplement le haut de sa poitrine sur le côté gauche, car c'est là que les Juifs étaient obligés de se faire coudre la fameuse, l'infamante étoile jaune. Tout le livre est dans ce ton, c'est-à-dire celui de la rage, de la dérision et d'un humour qui se retourne contre l'auteur et contre son personnage. Le livre est également préfacé par Jean Cot, qui reçut, comme nous le savons, il y a quelques années, le prix Goncourt. Et Jean Cot dit de la place de l'étoile ceci. C'est un assaut constant, c'est également une agression. Et puis, on ne sait pas très bien de quel côté se place Patrick Modiano. On apprend que Patrick Modiano, au moment où il écrivait ce livre, avait 20 ans. Il est né en 1947 à Paris et que par conséquent, en 68, au moment de la parution, il n'en a que 21. Il est donc né après les atrocités dont il parle. Et son histoire, c'est celle de Raphaël Chlemilovitch qui raconte son histoire. Chlemilovitch, à consonance bien entendu juive, il y a le rappel du fameux Schlemil, le héros d'un romantique allemand, Schlemil qui était un homme sans son ombre. Et on comprend parfaitement qu'il s'agit là d'un symbole. Alors que se passe-t-il, avant de revenir aux citations de Jean Cot, que se passe-t-il dans ce livre? Eh bien, ce sont les aventures de ce juif à Paris qui à la fois affirme son côté israélite, qui déteste lui-même les juifs, et le livre est sans arrêt une sorte de pamphlet violent sous forme de récit qui est antisémite par l'absurde, qui est prosémite également par l'absurde, qui est juif, non-juif, anti-juif et pro-juif, et les personnages sont, eux, semi-inventés, semi-réels. C'est-à-dire qu'on reconnaît au passage des gens comme Hitler, Maurice Sachs, Louis Ferdinand Céline. Il y a énormément de réminiscences littéraires et on dirait que le tout est une sorte de pamphlet roman indiscipliné, un exercice de style et de provocation où n'existe plus du tout la notion du bien ni du mal, ni de l'humour, ni de la vérité, ni non plus de ces problèmes qui devaient hanter tout de même Patrick Modiano au moment où il les décrivait. Il y a une farce qui ne cesse pas et dont tout le monde, depuis le lecteur jusqu'à l'auteur lui-même, sont sans arrêt la victime. Et revenons maintenant à la préface de Janco, qui dit ceci. Qu'est-ce que ça donne ? Pêle-mêle une orgie de souvenirs que l'auteur s'injecte sous la peau avec des seringues souillées d'horreur, un carnaval d'influences littéraires assimilées, violées, détruites, brisées de ricanements, tordues d'ironie. L'intéressant, c'est que La place de l'étoile n'a pas de théorie, n'a pas de thème, n'a pas de thèse. Un an après La place de l'étoile, qui avait d'ailleurs reçu le prix Fénéon, Patrick Modiano publiait en 1969 son deuxième roman, La ronde de nuit, dont voici le début. Quelques heures auparavant, la grande cascade du bois de Boulogne. L'orchestre torturait une valse créole. Deux personnes avaient pris place à la table voisine de la nôtre. Un vieux monsieur avec des moustaches gris perle et un feutre blanc, une vieille dame en robe bleu foncé. Le vent faisait osciller les lanternes vénitiennes accrochées aux arbres. Coco Lacour fumait son cigare. Esmeralda buvait sagement une grenadine. Il ne parlait pas. C'est pour ça que je les aime. Je voudrais les décrire minutieusement. Coco Lacour, un géant roux, des yeux d'aveugle illuminés de temps en temps par une tristesse infinie. Souvent, il les cache derrière des lunettes noires, et sa démarche lourde, hésitante, lui donne l'allure d'un somnambule. L'âge d'Esmeralda, c'est une toute petite fille minuscule. Je pourrais accumuler à leur sujet une foule de détails émouvants, mais épuisé, j'y renonce. Coco Lacour, Esmeralda, ces noms vous suffisent comme me suffit leur présence silencieuse à mes côtés. Esmeralda regardait émerveillée les bourreaux de l'orchestre. Coco Lacour souriait. Je suis leur ange gardien. Nous viendrons chaque soir au bois de Boulogne pour mieux goûter la douceur de l'été. Nous entrerons dans cette principauté mystérieuse avec ses lacs, ses allées forestières et ses salons de thé noyés sous la verdure. Rien n'a changé ici depuis notre enfance. Te rappelles-tu ? Tu jouais au cerceau le long des allées du Pré-Catelan. Le vent caressait les cheveux d'Esmeralda. Son professeur de piano m'avait dit qu'elle faisait des progrès. Elle apprenait le solfège par la méthode Bayer et bientôt jouerait des petits morceaux de Wolfgang Amédée Mozart. Coco Lacour incendiait un cigare, timidement, comme s'il s'excusait. Je les adore. Pas la moindre sensiblerie dans mon amour. Je pense, si j'étais pas là, on les piétinerait. Misérable, infirme. Toujours silencieux. Un souffle, un geste suffirait pour les briser. Avec moi, ils n'ont rien à craindre. L'envie me prend quelquefois de les abandonner. Je choisirais un moment privilégié. Tiens, ce soir, par exemple. Je me lèverai et leur dirai à voix basse « Attendez, je reviens tout de suite. » Coco Lacour hocherait la tête. Le pauvre sourire d'Esmeralda. Il faudrait que je fasse les 10 premiers pas sans me retourner, ensuite ça irait tout seul. Je courrais jusqu'à la voiture et démarrerais en trombe. Le plus difficile, ne pas desserrer son étreinte pendant les quelques secondes qui précèdent la suffocation. Mais rien ne vaut le soulagement infini que l'on éprouve au moment où le corps se relâche et descend très lentement vers le fond. C'est aussi vrai pour le supplice de la baignoire que pour la trahison qui consiste à abandonner quelqu'un dans la nuit après lui avoir promis de revenir. Esmeralda s'amusait avec une paille. Elle soufflait dedans et faisait mousser sa grenadine. Coco Lacour fumait son cigare. Lorsque le vertige me prend de les quitter, je les observe l'un après l'autre, attentif au moindre de leurs gestes, épiant les expressions de leurs visages comme on s'accroche au parapet d'un pont. Si je les abandonne, je retrouverai la solitude du début. Nous sommes en été, me disais-je pour me rassurer, tout le monde va revenir le mois prochain. C'était l'été, effectivement, mais il se prolongeait de manière louche. Plus aucune voiture dans Paris, plus un seul piéton. De temps en temps, les battements d'une horloge rompaient le silence. Au détour d'une avenue en plein soleil, il m'est arrivé de penser que je faisais un mauvais rêve. Les gens avaient quitté Paris au mois de juillet. Le soir, ils se rassemblaient une dernière fois aux terrasses des Champs-Élysées et du Bois de Boulogne. Jamais mieux qu'en ces instants, je n'avais goûté la tristesse de l'été. C'est la saison des feux d'artifice. Tout un monde prêt à disparaître jetait ses derniers éclats sous les feuillages et les lanternes vénitiennes. Les gens se bousculaient, parlaient très fort, riaient, se pinçaient nerveusement. On entendait les verres se briser, des portières claquer. L'exode commençait. Pendant la journée, je me promène dans cette ville à la dérive. Les cheminées fument. Ils brûlent leurs vieux papiers avant de déguerpir. Ils ne veulent pas s'encombrer de bagages inutiles. Des files d'auto s'écoulent vers les portes de Paris. Et moi, je m'assieds sur un banc. Je voudrais les accompagner dans leur fuite, mais je n'ai rien à sauver. Quand ils seront partis, des ombres surgiront et formeront une ronde autour de moi. Je reconnaîtrai quelques visages. Les femmes sont beaucoup trop fardées, les hommes ont une élégance de nègre. Chaussures de crocodile, costumes multicolores, chevalières en platine. Certains même exhibent à tout propos une rangée de dents en or. Me voici aux mains d'individus peu recommandables, des rats, qui prennent possession d'une ville après que la peste a décimé ses habitants. Ils me donnent une carte de police, un permis de port d'armes, et me prient de m'introduire dans un réseau pour le démanteler. Depuis mon enfance, j'ai promis tant de choses que je n'ai pas tenues, fixé tant de rendez-vous auxquels je ne suis pas allé qu'il me semblait enfantin de devenir un traître exemplaire. Attendez, je reviens. Tous ces visages contemplés une dernière fois avant que la nuit les engloutisse. Comme on le voit, ce n'est plus un pamphlet, ce n'est plus de la rage, ce n'est plus une avalanche, c'est une histoire. Une histoire écrite avec un grand souci de style, un style que, grosso modo, on peut dire assez proche, par exemple, de Paul Morand ou de Giraudoux même. Un style pincé, ironique, et aussi cette chose que l'on remarquait dans le premier roman déjà, de Patrick Modiano, une accumulation de personnages, de salonnards, de gens qui aiment bien vivre. En réalité, ce milieu que Patrick Modiano n'a pas connu non plus, il le situe dans le Paris occupé, comme la place de l'Étoile l'avait été déjà. Et nous sommes au milieu de ces personnages, autour d'un personnage mystérieux puissant qui s'appelle le Khedive, dans la société non seulement collaboratrice avec l'Allemagne, mais aussi d'une société proche de la milice, c'est-à-dire de collaborateurs à outrance qui font fortune, qui sont puissants grâce à l'occupant. Et le récitant, le personnage principal, est entré là-dedans un petit peu par hasard, par ambition aussi, et par total manque de scrupules. Il accepte une mission qui est de surveiller un groupe de la résistance, et peut-être de le noyauter. Il faut voir l'ironie avec laquelle Patrick Modiano développe ce thème tragique, qu'il prend à la légère. Après tout, il ne l'a pas connu, et aussi avec une certaine naïveté, une certaine invraisemblance. On ne confie pas ainsi à un jeune homme sans expérience la tâche, la mission redoutable d'aller espionner un groupe de la résistance. Place des Pyramides. Vous voudriez oublier le passé, mais votre promenade vous ramène sans cesse au carrefour douloureux. Le lieutenant faisait les 100 pas devant la statue de Jeanne d'Arc. Il me présenta un grand garçon blond, cheveux ras, yeux pervenches. Saint-Georges, Saint-Cyrien. Nous entrâmes aux Tuileries et nous assîmes à la buvette, près du manège. Je retrouvais le décor de mon enfance. Nous commandâmes 3 jus de fruits. Le serveur les apporta en nous disant qu'ils étaient les derniers d'un stock d'avant-guerre. Bientôt, il n'y aurait plus de jus de fruits. On s'en passera, dit Saint-Georges avec le sourire. Ce jeune homme m'avait l'air bien résolu. Vous êtes un prisonnier évadé, me demanda-t-il. Quel régiment ? 5e d'infanterie, lui répondis-je d'une voix blanche. Mais je préfère n'y plus penser. Je fis un gros effort sur moi-même et ajoutai : je n'ai qu'un désir, poursuivre la lutte envers et contre tout. Ma profession de foi parut le convaincre. Il me gratifia d'une poignée de main. J'ai réuni quelques membres du réseau pour vous les présenter, mon cher Lamballe, déclara le lieutenant. Ils nous attendent rue Bois-Robert. Il y a là Corvisart, Obligado, Pernetti et Jasmin. Le lieutenant parle de moi en termes chaleureux. La tristesse que j'éprouvais après la défaite, ma volonté de reprendre la lutte, l'honneur et le réconfort d'être à partir d'aujourd'hui leur compagnon au RCO. Eh bien, Lamballe, nous allons vous confier une mission. Il m'explique que plusieurs individus ont profité des événements pour laisser libre cours à leurs mauvais instincts. Rien de plus naturel dans une époque de troubles et de désarroi comme la nôtre. Ces malfrats jouissent d'une impunité totale. On leur a distribué des cartes de police et des permis de port d'armes. Ils se livrent à une répression odieuse contre les patriotes et les honnêtes gens, commettent toutes sortes de délits. Ils ont réquisitionné un hôtel particulier, 3 bis Square Cimarosa, 16e arrondissement. Leur service se nomme dans le public Société intercommerciale de Paris-Berlin-Monte-Carlo. Ce sont les seuls éléments dont je dispose. Notre devoir, les neutraliser le plus vite possible. Je compte sur vous, Lamballe. Vous allez vous introduire chez ces gens-là, nous renseigner sur leurs faits et gestes. À vous de jouer, Lamballe. Pernetti me tend un verre de cognac. Jasmin, Obligado, Saint-Georges et Corvisart me sourient. Un peu plus tard, nous remontons le boulevard Pasteur. Le lieutenant a voulu m'accompagner jusqu'à la station du métro Sèvres-le-Courbe. Au moment de nous quitter, il me regarde droit dans les yeux. Mission délicate, Lamballe. Double jeu, en quelque sorte. Tenez-moi au courant. Bonne chance. Et si je lui disais la vérité ? Trop tard. J'ai pensé à maman. Elle au moins se trouvait en lieu sûr. Je lui avais acheté la villa de Lausanne grâce aux commissions que je touchais à Vnuniel. J'aurais pu l'accompagner en Suisse, mais j'étais resté ici, par paresse ou indifférence. J'ai déjà dit que je me souciais peu du sort du monde. Le mien non plus ne me passionnait pas outre mesure. Il suffisait de se laisser porter par le courant. Fais-tu de paille. Ce soir-là, je signale au Khedive ma prise de contact avec Corvisart, Obligado, Jasmin, Pernetti et Saint-Georges. Je ne connais pas encore leurs adresses, mais cela ne saurait tarder. Je promets de lui fournir au plus vite tous les renseignements utiles sur ces jeunes gens, et sur d'autres encore que le lieutenant ne manquera pas de me présenter. Au rythme où vont les choses, nous réaliserons un beau coup de filet. Il le répète en se frottant les mains. J'étais sûr que vous leur inspireriez confiance avec votre petite gueule de marchand de statuettes de plâtre. Le vertige me prend tout à coup. Je lui déclare que le chef de ce réseau n'est pas le lieutenant, comme je le croyais. Alors qui ? Je me trouve au bord d'un précipice, il suffirait sans doute de quelques pas pour m'en écarter. Qui ? Mais non, j'ai pas la force. Qui ? Un certain Lamballe. Lamballe. Eh bien, nous lui mettrons la main dessus. Tâchez de l'identifier. Les choses se compliquaient. Était-ce ma faute ? On m'avait confié de part et d'autre un rôle d'agent double. Je ne voulais mécontenter personne, pas plus le Khedive et Philibert que le lieutenant et ses petits Saint-Cyriens. Il faudrait choisir, me disais-je. Chevalier de l'ombre ou agent appointé de l'officine du Square Cimarosa. Héros ou mouchard. ni l'un ni l'autre. Le narrateur, donc, a pris contact avec un des responsables d'une cellule de résistance. Ils se plaisent. Il a raconté des bobards. On le croit. On le recrute pour la bonne cause. Et le voilà avec la confiance de ce groupe de résistants, qui, soit dit en passant, lui révèle pas mal de secrets. On lui donne même un surnom. Il va s'appeler la princesse de Lamballe. Et il est chargé, bien entendu, de noyauter les collaborateurs. De sorte que la mission qu'on lui avait confiée de la part des collaborateurs vis-à-vis de la résistance lui est désormais confiée par la résistance vis-à-vis de la collaboration. Il devient ainsi, non pas un agent double, mais en quelque sorte un agent quadruple. Et que se passe-t-il? Eh bien, il se passe que dans un moment, peut-être de conscience, peut-être de défi et de fanfaronnade pure, il révèle pratiquement à tout le monde son identité et son double jeu. À partir de ce moment-là, il est, aux yeux de la résistance, un espion à la solde des collaborateurs et aux yeux des collaborateurs, un espion à la solde de la résistance. Il est donc suspect pour tout le monde, il est devenu la victime de tout le monde, et le livre ne peut s'achever que par son assassinat. Il y va presque sans tristesse. Il est aussi léger dans l'acceptation du martyre et de la mort prochaine qu'il avait été dans ses promesses et dans son engagement. Qui suis-je ? Petiot, Landru. Dans le corridor, une buée verte imprègne les malarmoires. Partir. Je vais me mettre au volant de la Bentley que j'ai carrée hier soir devant le perron. Un dernier regard sur la façade du 3 bis. L'une de ces maisons où l'on rêve de se reposer. Malheureusement, je m'y étais introduit par effraction. Je n'y avais pas ma place. Aucune importance. Je tourne le bouton de la radio. Pauvre Swing Troubadour. Avenue de Malakoff. Le moteur ne fait aucun bruit. Je glisse sur une mer étale. Les feuillages bruissent. Pour la première fois de ma vie, je me sens en état de complète apesanteur. Ton destin, Swing Troubadour. Je m'arrête à l'angle de la place Victor Hugo et de la rue Copernic. Je sors de ma poche intérieure le pistolet à crosse d'ivoire serti d'émeraude que j'ai découvert dans la table de nuit et de Madame de Belrespiro. Plus de printemps, Swing Troubadour. Je pose l'arme sur la banquette. J'attends. Les cafés de la place sont fermés, pas un seul piéton. Une 11 chevaux légère de couleur noire, puis 2, puis 3, puis 4 descendent de l'avenue Victor Hugo. Mon cœur bat la chamade. Elles avancent vers moi, ralentissent. La première s'arrête le long de la Bentley. Le quai d'Yves. Son visage est à quelques centimètres du mien, derrière la vitre. Il me fixe, les yeux doux. Alors j'ai l'impression que ma bouche se contracte dans un rictus épouvantable. J'articule très distinctement, de manière qu'il puisse lire sur mes lèvres. Je suis la princesse de Lamballe. Je suis la princesse de Lamballe. Je saisis le pistolet, baisse la vitre. Il me considère en souriant, comme s'il avait compris depuis toujours. Je presse la gâchette. Je l'ai blessé à l'épaule gauche. Maintenant, ils me suivent à distance. Mais je sais que je ne leur échapperai pas. Leurs quatre automobiles roulent de front. Dans l'une d'elles se trouvent les hommes de main du square Cimarosa, Breton, Réaucreux, Codébo, Robert Lepal, Danos, Guari, Vital Leca conduit la 11 chevaux du Khedive. J'ai eu le temps de voir sur la banquette arrière Lionel Dezieff, Elder et Rosenheim. Je remonte l'avenue de Malakoff en direction du Trocadéro. De la rue Lauriston débouche une Talbot bleu foncé, celle de Philibert. Puis la Delahaye, la Bourdette, de l'ex-commandant Constantini. Ils sont tous au rendez-vous. La chasse à cours commence. Je roule très lentement. Ils respectent mon allure. On dirait un cortège funèbre. Oh, je ne me fais aucune illusion. Les agents doubles meurent un jour ou l'autre, après avoir retardé l'échéance, grâce à mille allées et venues, astuces, mensonges et acrobaties. La fatigue vient très vite. Il ne reste plus qu'à se coucher par terre et souffler, à attendre le règlement de compte. On ne peut pas échapper aux hommes. Avenue Henri Martin, boulevard Lannes. Je conduis au hasard. Les autres suivent à une cinquantaine de mètres. Quels moyens emploieront-ils pour me supprimer ? Breton me passera-t-il à la magnéto ? Il me considère comme une prise importante. La princesse de Lamballe, chef du RCO. D'ailleurs, je viens de commettre un attentat contre le Khedive. Ma manière d'agir doit leur sembler bien curieuse. Ne leur ai-je pas livré tous les chevaliers de l'ombre ? Il faudra que je m'explique là-dessus. En aurais-je la force ? Boulevard Pereire. Qui sait ? Un maniaque s'intéressera peut-être dans quelques années à cette histoire. Il se penchera sur la période trouble que nous avons vécue, consultera de vieux journaux. Il aura beaucoup de mal à définir ma personnalité. Quel était mon rôle, Square Cimarosa, au sein de l'une des bandes les plus redoutables de la Gestapo française, et Rue Bois-Robert parmi les patriotes du RCO? Je l'ignore moi-même. Avenue de Wagram. La ville est comme un grand manège dont chaque tour nous vieillit un peu. Je profitais de Paris pour la dernière fois. Chaque rue, chaque carrefour éveillait des souvenirs. Graff, où je rencontrais Lily Marlène. L'hôtel Claridge, qu'habitait mon père avant sa fuite à Chamonix. Le bal Mabille, où j'allais danser avec Rosita Sergent. Les autres me laissaient poursuivre mon périple. Quand décideraient-ils de m'assassiner ? Leurs automobiles demeuraient toujours à une cinquantaine de mètres de moi. Nous prenons les grands boulevards. Un soir d'été comme je n'en ai encore jamais connu. Par les fenêtres entrouvertes s'échappent des bouffées de musique. Les gens sont assis à la terrasse des cafés ou se promènent par groupes, nonchalamment. Les réverbères tremblent, s'allument. Mille lanternes vénitiennes brûlent sous les feuillages. Des éclats de rire fusent un peu partout. Confettis et valses musettes. Vers l'est, un feu d'artifice éclate en gerbes roses et bleues. J'ai l'impression de vivre cet instant au passé. Patrick Modiano, à 20 ans et à 21 ans, deux fois, a pris sur lui de parler de thèmes extrêmement graves, avec désinvolture, légèreté, candeur et cette espèce de crispation qu'on peut peut-être lui reprocher. Est-ce que tout cela est de l'inconscience, de la jeunesse ou un simple appétit de vivre et d'écrire ? Écrire, il le sait. Je dirais que cela lui réussit de façon à la fois fulgurante, comme dans la place de l'Étoile, et de façon beaucoup plus civilisée, comme dans la ronde de nuit. Mais par deux fois, il a pris des thèmes qui, en principe, devraient lui être interdits de par sa jeunesse. Il a parlé du thème de l'extermination des Juifs avec une dérision pour laquelle il n'avait en somme aucune excuse. Dans la ronde de nuit, il a pris un autre risque, c'est de faire une farce plus légère, moins pesante, aux dépens à la fois de la collaboration et de la résistance. Eh bien, ce genre de défi ne me déplaît pas. Il est bon que dans une génération jeune comme celle de Modiano, il y ait de jeunes écrivains pleins de talent qui croient que les thèmes sacrés de la génération précédente sont désormais désuets et dépassés. Je sais que je dis là, quand je parle de Patrick Modiano, des choses assez graves. Je crois qu'il est de la liberté de tout jeune écrivain de talent comme lui, eh bien, tout simplement, de dépasser ce qui n'est pas de son âge. C'était Jeunes écrivains. Aujourd'hui, Patrick Modiano. Présentation d'Alain Bosquet. Avec la voix de Sylvain Joubert. Réalisation Bernard-Maxime Latour. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 1er janvier 1971. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.